Maintenant, il faut partir. Je n'ai rien vu venir. Mets ta veste, là-bas il fait froid. Viens, je t'accompagne. J'ai souvent appris à venir, mais je ne sais pas partir. Je ne pars pas avec toi, je ne pars pas contre toi. Je suis assise sur le quai, je suis assise, jambes croisées, et je démonte des bouts de mer qui accrochent la coque du bateau qui t'emmène éventrant les eaux, se jeter derrière eux la terre. Maintenant, il faut partir avant que je vienne à te haïr. Avant de corrompre les souvenirs, je n'ai rien vu venir. Je suis assise sur le quai, je suis assise les jambes croisées, et je démonte des bouts de mer qui accrochent la coque du bateau qui t'emmène éventrant les eaux, se jeter derrière eux la terre. Maintenant, il faut partir, je sens ton pouls faiblir. Je t'accompagne jusqu'au quai, j'ai des traces de tes baisers.